Radio Mont-Blanc, l'agenda. À Morillon, on célèbre le jus de pomme avec la fête du Pitain. C'est ce samedi. Animations diverses, buvettes, repas champêtres, musique, fabrication et vente de jus de pomme. Tout cela à l'honneur. Alors n'oubliez pas vos éco-cups et vos bouteilles. C'est à Morillon ce samedi. Samedi également, l'association Les Coquillettes Vertes vous invite à sa fameuse fête de la courge. C'est samedi au plateau d'Assy. Début des festivités avec un concours de pétanque dès 13h30. Et la fête commencera officiellement à 15h avec la présence de différents stands, jeux, gratiféria. Vous apportez vos vêtements ou objets à donner et vous repartez avec d'autres gratuitement ou pas, maquillage, crêpes. Et en fin de journée, venez voir la traditionnelle coupe des courges avant de les déguster. Et à partir de 19h30, place au concert jusqu'à 1h du matin, tout pile. Journée et repas à prix libre. Plateau d'Assis, c'est un beau rendez-vous, la fête de la courge ce samedi.